sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Ah oh, je l'ai. Une explosion retentit et l'ours tombe mort. Victoire! Sed libera nos a malo. Amen. Enfin est-il bien mort? Puis-je descendre de mon rocher? Tant que vous voudrez. Vous pouvez vous flatter que si vous êtes encore vivant, et si vous foulez encore la neige de Lituanie, vous le devez à la vertu magnanime du maître des finances, qui s'est évertué, échiné et égosillé à débiter des patenôtres pour votre salut, et qui a manié avec autant de courage le glaive spirituel de la prière, que vous avez manié avec adresse le temporel de l'ici présent palotin cotis coup de poing explosif. Nous avons même poussé plus loin notre dévouement, car nous n'avons pas hésité à monter sur un rocher fort haut pour que nos prières aient moins loin à arriver au ciel. Révoltante bourrique! Voici une grosse bête. Grâce à moi, vous avez de quoi souper. Quel ventre, messieurs! Les Grecs y auraient été plus à l'aise que dans le cheval de bois. Et peu s'en est fallu, chers amis, que nous n'ayons pu aller vérifier de nos propres yeux sa capacité intérieure. Je meurs de faim. Que manger? L'ours! Ah, mais pauvres gens, allez-vous le manger tout cru? Mais nous n'avons rien pour faire du feu. N'avons-nous pas nos pierres à fusil? Tiens, c'est vrai. Et puis il me semble que voilà, non loin d'ici, un petit bois où il doit y avoir des branches sèches. Va rechercher, Sir Cotis. Cotis s'éloigne à travers la neige. Et maintenant, Sir Ubu, allez dépecer l'ours. Ah ben non, mais il n'est peut-être pas mort, tandis que toi, qui es déjà à moitié mangé et mordu de toutes parts, c'est tout à fait dans ton rôle. Je vais allumer du feu en attendant qu'il apporte du bois.